الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc il y a quelques versets qu'on avait parlé du sujet que ça on a commencé à expliquer dans le cours au sujet des œuvres des non-musulmans. Et puis on a expliqué que cette aqida, c'est la base pour que nos actions soient acceptées. On a expliqué que si quelqu'un n'a pas la croyance qui est correcte, ses actions ne valent rien pour Allah. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions avec des gens qui sont musulmans et qui ont une mauvaise compréhension de la croyance islamique. Alors il commençait à glorifier des gens comme Mère Teresa ou le pape ou des choses comme ça. Les musulmans qui disent aussi Mère Teresa. Ouais, ouais. Alors il commençait à dire que ces gens-là, ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont fait beaucoup de bien, et donc c'est quelque chose de bon ce qu'ils ont fait, puis comme si Dieu va les récompenser pour ça. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassemblé les versets qui expliquaient qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet-là. Donc, parmi les versets que j'ai trouvés dans le Coran, il y a un dans Surat Ibrahim, le verset 18, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Il y a un autre verset dans Ibrahim, Surat Ibrahim, le verset 18. Il y a aussi dans Surat Al-Furqan, le verset 23, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Il y a un autre verset dans Surat Al-Nur, le verset 39 et 40, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que la soifée prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Les vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Al-Ma'ida, le verset 5, quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Dans Surat Muhammad, le verset numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, Allah a rendu leurs œuvres vaines. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat Muhammad 8 et 9: quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Dans Surat Muhammad encore 28, Allah dit: cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah, ce qui met Allah en colère, et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaine leur action. Allah dit aussi dans Surat Al-An'am 88: telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut de ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait, ils certainement étaient vains. Et il y en a beaucoup d'autres encore qui montrent que si quelqu'un n'a pas la foi correcte, alors ses œuvres, peu importe ce qu'il a fait, vont être vaines. Elles n'auront aucune valeur au jugement dernier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer là où on était rendu la dernière fois. Et on était rendu au point où le chef expliquait la foi dans le tawhid ar-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid, l'unité d'Allah dans sa souveraineté. Et il donnait l'exemple des gens qui ont rejeté l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils disaient que parmi eux, il y en a qui attribuent ou essaient d'expliquer la création ou la vie par le fait que c'était la nature qui s'était créée elle-même. Hein? Et donc, même j'avais mentionné l'exemple de quelques citations dans un livre que j'ai trouvé de biologie, dans lequel il disait que, à l'origine, la matière inerte s'était créée d'elle-même, s'était organisée d'elle-même, et puis ils essayaient de dire que, bon, actuellement, c'est impossible que quelque chose se produise, se crée de lui-même, mais à l'origine, la Terre n'était pas comme elle est aujourd'hui. Elle était très volcanique, il y avait beaucoup d'électricité dans l'air et tout, donc à cause de ça, ils ont dit que la matière inorganique ou la matière inorganique ou inerte a réussi à s'assembler et à essayer de se créer elle-même. Et le chef, il dit, peu importe ce qu'ils essaient de dire sur ce sujet, c'est complètement absurde, c'est complètement illogique et c'est faux. Parce que on sait très bien que la terre ne peut pas se créer elle-même, le ciel ne peut pas se créer lui-même, la nature, la vie ne peut pas se créer d'elle-même. J'ai aussi ramené un exemple de mon cours de biologie. Dans le chapitre 5, on avait étudié les origines de la vie et la diversité des vivants. Donc, il disait exactement que, justement, la terre primitive, elle était pas comme elle est aujourd'hui, puis elle était, il disait le soleil était très jeune et violent, il était beaucoup plus lumineux, il y avait des tempêtes solaires, la terre était très volcanique, l'atmosphère était quasi totalement dépourvue d'oxygène, et donc ils ont essayé à partir de certaines expérimentations de recréer cette atmosphère en mettant des éléments ensemble avec de l'électricité et des choses comme ça pour essayer de les faire réagir entre elles pour voir si ça allait créer quelque chose, puis ils ont réussi à faire un composé organique à partir de tout ça. Donc lorsqu'ils ont vu qu'ils ont été capables de créer un composé organique qui est l'urée. L'urine, c'est un composé qui est produit par le corps, qui fait une urine, je pense, que c'est ça. Donc, en se basant sur ça, ils ont dit, bon, ça explique comment la vie a pu être fabriquée par elle-même. Et donc, on voit comment eux-mêmes, ils manipulent les choses, et puis ils essaient de produire une réaction, puis après, ils essaient de dire, bon, c'est par hasard la même chose que se produit et créer des choses aussi complexes qu'une cellule. Créer un composé organique, c'est juste des éléments chimiques qui se rassemblent ensemble, mais cet élément organique-là ne peut rien faire. Elle est inerte, voilà. Elle n'a pas de vie. Hein? Donc, de comparer ça avec une cellule qui est capable de se reproduire par elle-même, ça c'est, quand même, c'est comme comparer l'univers avec un grain de sable, c'est complètement absurde. Après, ils ont essayé de montrer que ça s'est compliqué avec le temps, puis il y a eu, c'est bizarre comment le prof a écrit ça, il a dit, il est plus probable qu'il y ait eu des accumulations de ces molécules organiques simples dans l'environnement primitif. Comment s'est passée la transformation en polymère? Les polymères, bon, on ne va pas entrer dans les détails, c'est comme des éléments de synthèse plus compliqués. Et après, il y a eu l'apparition des protobions. Comment s'en est fait la suite? Par agrégation. Les protobions, quoique incapables de reproduction, à proprement parler, sont capables de fonctions associées à des cellules vivantes. Donc, ils disent que, bon, ils ont certaines, c'est comme des affaires, c'est pas des cellules vivantes encore, sauf qu'ils ont certaines attributs semblables aux cellules vivantes. Puis là, après, ils ont dit, ces protobions sont capables de fusion entre eux en laboratoire. On a aussi observé que certains sont même capables de croiser et de se diviser. Toutefois, il n'y a pas de transmission des acquis aux nouvelles structures. C'est-à-dire, quand ils se divisent, il n'y a pas de transmission des bagages génétiques. C'est-à-dire, à chaque génération, il n'y a pas de suite. Pas comme nous, par exemple, quand on se reproduit, nos enfants gardent une partie de notre bagage. Et les cellules, quand elles se divisent une de l'autre, eh bien, chacune est une copie conforme de l'autre. Hein, elles se divisent à cette sorte. Mais là, ce n'est pas le cas, on dit. Un jour, un protobion inventa une façon de créer des molécules selon un modèle établi à partir d'une autre molécule. Donc, c'est comme une sorte de perfection. On assiste à des choses de la matière inorganique, ou organique même, qui se transforment d'elles-mêmes et qui inventent les affaires. Donc, il dit, cependant, on croit plutôt que la première transmission d'informations génétiques se fit avec l'ARN. D'accord? Ils n'ont pas été capables d'expliquer comment l'ADN est apparu. Donc, ils ont essayé d'expliquer ça en disant que, bon, sûrement, c'est l'ARN qui était là en premier. Mais là, ils ont un autre problème, c'est que le passage de l'ARN à l'ADN, ils ont marqué, c'est un mystère. Ils ne savent pas du tout comment ça s'est produit. Et bon, ils se remontent le moral en disant, bon, on ne sait pas aujourd'hui, mais peut-être un jour on va le découvrir. Alors moi, je leur dis de continuer à chercher, vous n'allez jamais le trouver. Il y a plusieurs hypothèses sur comment la vie a commencé d'après les biologistes. Il y en a qui ont dit que c'est commencé par des comètes qui ont peut-être apporté des choses dans notre atmosphère qui, en frappant la Terre, bon, ça a amené de la vie sur la Terre. Le problème, c'est que d'où venait la vie de ces comètes-là? Il fallait qu'elles viennent quand même de quelque part. Donc, ça ne répond pas du tout non plus à la question. L'origine océanique, c'est que dans l'océan profond, il y aurait eu des réactions qui ont créé des micro-organismes ou des choses comme ça. Encore là, ça ne répond pas du tout à la question. Comme on voit, ils tournent en rond et tout ça. Puis là, après, ils expliquent, ils parlent des autres êtres vivants qui sont apparus, qui ont été de plus en plus complexes. Hein? La bactérie, ils divisent ça en catégories, les monades, les protistes, les eucaryotes, les procaryotes, les plantes, après les insectes, comme les champignons, les étoiles de mer, des choses comme ça, puis après les animaux, bon. Tout ça pour essayer d'expliquer l'origine de la vie sans parler de Dieu. On sera capable. Tout ça pour éviter Dieu. Oui, tout ça pour éviter Dieu. Et aussi notre question est l'évolution. Ouais, ben, l'évolution, c'est justement, mais cette théorie de l'évolution, elle part de ça, elle part de cette idée-là. Et puis, bon, si on recule avant même de se poser la question de l'origine de la vie, on doit se poser aussi la question au sujet de, par exemple, l'origine de l'univers, puis là, ça amène l'idée du Big Bang et de toutes ces autres idées-là. Mais en fait, qu'est-ce que ces gens-là, ils font, en fait, on va peut-être en parler. Puis même on peut le mentionner tout de suite, c'est que qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en fait? C'est d'attribuer à la matière inerte de donner à la matière inerte des attributs divins. C'est-à-dire, ils donnent à la matière les attributs de pouvoir avoir une volonté, avoir une toute-puissance, avoir une sagesse, avoir un contrôle, une connaissance de ce qui se passe. Et on sait très bien que la matière n'a pas de volonté, la matière n'a pas de connaissance, la matière inerte n'a aucune puissance de se mouvoir d'elle-même. Toute cette puissance doit lui venir d'ailleurs. Et effectivement, nous, on est croyants, donc on affirme que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé ça. Tandis que ceux qui ont l'arrogance et l'orgueil dans le cœur ne sont pas capables d'accepter la réalité pour se soumettre à Allah. Donc, étant donné qu'ils veulent suivre leur passion et leur désir et se libérer la conscience de tous les remords qu'ils ont au fond de l'âme, alors ils essaient d'éviter l'idée de croire en Dieu. Ensuite, le chef, il dit, on avait parlé de ça, on avait dit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Cheikh il dit justement ça c'est une parole fausse et tout ça. Et puis ومن هؤلاء الملاحدة من يقول هذه الكائنات تنشأ عن طريق المصادفة بمعنى أن تجميع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة يؤدي إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق مدبر ولا حكمة إذا سمحت قناتي يعني parmi certains de ces négateurs il y a ceux qui essaient de dire que il y a eu une sorte d'explosion ou collision, puisque l'assemblement de tous ces atomes et de toutes ces particules ont amené l'apparition de la vie sans aucune organisation, aucun créateur et aucune sagesse. Le chef dit « Wa hadha qawlun batil, la rudduhu al-junsul wal-fitr » فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسمائه وسير المخلوقات فيه بهذه الدقة والتنظيم العجيب تبين لك أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن خالق حكيم. Qui le rejette, c'est la raison et la fitra, c'est-à-dire la nature de l'être humain. Parce que si tu regardes à cet univers, à cette création, et à la façon dont elle est organisée, ses planètes, sa terre, le ciel, et toutes les créatures qui sont dedans, avec la précision à laquelle tout est organisé et tout est calculé, tu ne peux pas arriver à la conclusion autre que ça a été fait par un créateur. Et que ce créateur est sage. Et il donne l'exemple qu'est-ce que Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit. Il a donné un exemple comme une sorte de question à poser à la personne qui essaie de nier l'existence d'Allah. Il dit قال Ibn Qayyim فسأل المعطل الجاحد ماذا تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجاتها وفي تلك الحديقة ما يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ثم يقسم قيمتها عند الجزاز على أحسن المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعينا لا أبصار لها انتهى كلامه رحمه الله. Donc le chef qu'est-ce qu'il fait, il donne l'exemple d'un moulin qui tourne sur une rivière et c'est un moulin qui est parfaitement fabriqué et qui est bien organisé, bien fabriqué, qui est parfait, et il tourne sur un, et il fait couler l'eau sur le jardin, et le jardin c'est un des plus beaux jardins, un très grand jardin, et tout le, il y a tous les fruits et les fleurs dedans, et on lui donne, et tout est organisé, tout est fait dans ce jardin pour le garder beau et propre, et tout ça. Donc, le cheikh il dit, est-ce que vous pensez que ce, tout ça peut exister et qu'on dirait que personne l'a arrangé, personne l'a fabriqué, il est apparu tout seul et il n'y a personne qui l'entretient, qui l'a créé, qui l'a fait, qui l'a organisé, c'est ça? Qu'est-ce que ta logique, ta raison, qu'est-ce qu'elle te dit quand on t'apprend une chose pareille? Qu'est-ce que ta raison te dit si on te parle d'une chose pareille? Est-ce que ta raison ne te dit pas que ça ne se fait pas, que quelque chose apparaît de cette façon-là, sans que quelqu'un l'ait créé, l'ait organisé, etc.? Donc il dit c'est, ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a créé des cœurs aveugles, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas la réalité. Alors, quand ils regardent le ciel, quand ils regardent l'univers, quand ils regardent la création, ils regardent comme des animaux. Quand les animaux regardent, est-ce que ça leur fait réfléchir? Est-ce que ça leur fait se poser des questions? Non. Alors, ces gens-là, Allah les a créés comme ça, ils sont aveugles. Peu importe les signes qu'ils voient, eh bien, ils ne comprendront jamais. Et ça, c'est l'idée que j'ai eu quand j'ai entendu le prof de biologie que j'avais et qui me parlait de tous les signes dans la création d'Allah, dans la vie, que ce soit au niveau des cellules, au niveau des plantes, au niveau des êtres humains, des animaux, comment c'était bien fait, comment c'était organisé, comment tout ça, c'est, quand tu entends ça, c'était incroyable, tu as envie de te prosterner devant Allah automatiquement quand tu entends ces choses-là. Mais pour lui, c'était rien, c'était même pas, subhanallah, même un animal, il est plus intelligent que ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'il y a un créateur et tout ça. Donc, quand tu vois des gens comme ça aveugles à ce point, subhanallah. Donc, ça c'est une des choses qui renforcit notre conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est la preuve en ce qui concerne l'existence d'Allah et que Allah il est Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, que c'est lui le créateur, celui qui s'occupe de toute la création et tout ça. Et ça, comme on avait dit au tout début, même les idolâtres de la Mecque, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en cet aspect de Tawhid. Ils disaient, comme Allah SWT dit dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient, eux qui adoraient les idoles à la Mecque, ils diraient, c'est Allah qui les a créés, malgré qu'ils continuaient à faire le shirk, ils continuaient à adorer les idoles. Donc, les shirks, maintenant, ils passent à la deuxième catégorie du tawhid, qui est tawhid al-uluhiyya. Al-Uluhiyya, ou bien aussi on dit en arabe Tawhid al-Ibada, qui signifie l'unification d'Allah ou l'unité d'Allah dans l'adoration. Et ça, c'est le point fondamental, en fait, du Tawhid. Donc, le Cheikh dit Tanyan Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, huwa ifrad Allah ta'ala bi jami' anwa' al-Ibada. فالألوهية معناها العبادة والإله معناه المعبود ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة. Donc le cheikh il dit, comme on vient d'expliquer, le tawhid al-uluhiyya, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les formes d'adoration. Dans toutes les formes d'adoration. Et le chef, il dit, et le mot ilah, parce que uluhiyya, ça vient du mot ilah, et al-ilah, comme quand on dit la ilaha illallah, le mot ilah signifie al-ma'aboud. Al-ma'aboud, ça veut dire l'objet adoré, ou la chose qui est adorée. Hein? Donc, toute chose qui est adorée, on peut l'appeler une ilah. Hein? Donc, le chef il dit, c'est pour ça qu'on appelle cette forme de tawhid, ou cette catégorie-là, on l'appelle l'unicité d'Allah dans l'adoration. والعبادة في اللغة الظلم يقال طريق معبد إذا كان مدللا قد وطأته الأقدام. الشيخ دي la définition linguistique du mot adoration ou ibada en arabe signifie الظلم, c'est-à-dire l'humilité. Et il donne comme exemple, pour faire comprendre la signification de ce mot-là, Tariqum Muhabbat. Ça veut dire un chemin qui a été aplani. Quand le chemin a été aplani, on dit qu'il est Muhabbat. C'est-à-dire qu'il a été humilié ou bien qu'il a été écrasé par les pieds qui ont passé dessus. Donc, quand quelqu'un au sens linguistique, quand quelqu'un adore Allah, c'est-à-dire, au sens linguistique, il s'unit à Allah. Et le chef, il dit, maintenant, la définition légale, dans le sens islamique du mot, le chef, il dit, « Amma ma'na l'ibada, shara'an, faqad ikhtalafat ibarat l'ulama'i fi dhalika ma'attifaqihim ala l'ma'na. » فعرفها طائفة منهم بأنها ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي وعرفها بعضهم بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وهذا التعريف أدق وأشمل فالدين كله داخل في العبادة ومن عرفها بالحب مع الخضوع فلأن الحب التام مع الذل التام يتضمنان طاعة المحبوب والانقياد له فالعبد الذي له الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه فبحسب محبة العبد لربه وذله له تكون طاعته ومحبة العبد لربه وذله له يتضمنان عبادته له وحده لا شريك له. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la définition légale ou islamique du terme ibada, il dit, les savants ont plusieurs façons de l'exprimer, mais ils sont tous d'accord sur sa signification. Il dit, parmi eux, il y en a qui disent que c'est un ordre légal d'Allah qui n'est pas relié à la coutume et qui n'a aucune implication logique. Et d'autres savants l'ont défini comme étant l'amour parfait avec la soumission totale, ou bien l'amour total avec la soumission totale à Allah. D'autres savants l'ont défini comme étant, comme le chef de Nathaniya, Rahimallah, il a dit, l'adoration, c'est, cette définition-là, c'est la plus importante, donc c'est elle qu'il faut écrire ou prendre en note. C'est, le chef a dit, c'est un terme général, ou c'est un terme qui comprend tout ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, aime, et agréé parmi les actions, parmi les paroles et les actions du cœur ou du corps. Et il dit cette définition, c'est celle qui est plus complète et plus précise. Donc, c'est un terme qui comprend tout ce que Allah aime et agrée, qui aussi parmi les paroles et les actions qui sont faites dans le cœur et par les membres, par le corps. Et le Cheikh il dit que c'est la plus précise et la plus complète des définitions. Et le Cheikh il dit toute la religion au complet, en entier, elle entre dans la définition de l'adoration. Toute la religion au complet. Et celui qui l'a défini comme étant l'amour et la soumission, avec la soumission, c'est parce que lorsque quelqu'un lorsque quelqu'un aime quelqu'un, une autre personne, avec une certaine humilité, eh bien, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que cette personne-là, elle va obéir à la personne qu'elle aime. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puis tu lui désobéis. Hein? C'est ça que vous avez mentionné même comme exemple, qu'est-ce que le Cheikh a dit. عبادة الرحمن غاية حبه بعض لعابده هما قطبان وعليهما فتلك العبادة دائر وما دار حتى قام في القطبان. إلى كتير السباساج لإمام ابن القيم في الناس إيا نطق إنوط إكزام بكتير ابن القيم عزيلة سي الذي لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع. Si ton amour était sincère, tu l'aurais obéi parce que la personne qui aime, elle obéit à celle qu'elle aime. Hein? Donc si c'est un des signes que lorsque tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu te soumets à lui. Et lorsque tu t'unis à Allah subhanahu wa ta'ala avec cet amour-là en même temps, alors automatiquement, tu ne peux pas le désobéir, tu vas te soumettre à lui, tu vas t'unir à Allah. Et plus tu aimes Allah, plus tu vas l'obéir. Et c'est pour ça qu'il y a cette ayah dans le Coran dans lequel Allah dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dans lequel Allah dit au messager d'Allah, dit aux gens, si vous m'aimez, alors suivez-moi et Allah va vous aimer et vous pardonner vos péchés. Si on aime vraiment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on doit le suivre. Si on dit qu'on l'aime et qu'on ne le suit pas comme il faut, ça veut dire qu'on ne l'aime pas vraiment. Bien sûr, un message comme il ne pas d'ailleurs. Mais seulement si j'ai mentionné quelque part, plus tard on va aller, je vais vous donner la référence. Le Cheikh dit ensuite, فالعبادة المأمور بها تتضمن معنى الظلم معنى ومعنى الحب وهي تتضمن ثلاثة أركان وهي المحبة والرجاء والخوف ولا بد من اجتماعهما فمن تعلق بواحد منها فقط لم يكن عبدا لله تمام العبادة فعبادة الله بالحب فقط هي طريقة الصوفية وعبادته بالرجاء وحده طريقة المرجئة وعبادته بالخوف فقط طريقة الخوارج والمحبة المنفردة عن الخضوع لا تكون عبادة فمن أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا كما يحب الإنسان ولده وصديقه كما أن الخضوع المنفردة عن المحبة لا تكون عبادة كما يخضع لسلطان أو لظالم لاتقاء المشردين ولهذا لا يكفي أحدهما عن الآخر في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء. Le chef il explique un fondement ici très important dans lequel il dit il faut que l'adoration qui nous est ordonnée de faire, elle doit comprendre la signification de l'humilité et de l'amour d'Allah et elle implique trois principes ou trois piliers fondamentaux qui sont l'amour d'Allah, l'espoir en Allah et la crainte. L'amour, l'espoir et la crainte. Il dit, il faut absolument que ces trois piliers soient ensemble dans l'adoration. Il dit, si quelqu'un adore Allah ta'ala sans un de ces piliers-là, alors il tombe dans une forme d'égarement et il n'adore pas réellement Allah ta'ala. Le chef, il donne comme exemple, il dit, comme plusieurs savants ont dit avant, ils ont dit, celui qui adore Allah par l'amour uniquement, comme par exemple certains soufis qui disent, nous, on n'adore pas Allah pour avoir son paradis, et on n'adore pas non plus Allah parce qu'on a peur de l'enfer. On adore Allah pour Allah seulement, pour adorer Allah uniquement sans crainte ni espoir en Allah. Et ça, c'est une forme d'égarement. Parce que Allah a décrit tous ses messagers et tous ses prophètes dans le Coran et tous les croyants comme étant ceux qui invoquent Allah avec crainte et espoir. Et comme étant les gens qui espèrent en Allah et en son jugement. Et ça, ça rappelle un peu l'exemple des chrétiens quand ils disent qu'ils adorent, quand ils disent qu'ils adorent Allah ou qu'ils croient que Dieu est amour. Donc, vous pouvez voir n'importe quel chrétien faire les plus grands crimes, peut-être même il est le chef de la mafia ou bien le chef des Hells Angels ou juste ce soir, et puis il dit Dieu est amour. Peu importe ce qu'il fait, Dieu va le pardonner parce que Dieu est amour. Donc, pour eux, ils s'attachent seulement à une des aspects ou une des qualités d'Allah et ils négligent tout le reste. Ils ne vont pas regarder que, comme, même parmi des musulmans, des fois, tu vois des musulmans qui font quelque chose de haram et tu lui dis, ça, qu'est-ce que tu fais, ça, c'est haram, tu devrais arrêter, tu ne devrais pas le faire. Et là, ils te disent, Allah Ghafur Rahim. Ils se disent, Dieu, il est pardonneur et miséricordieux. Donc, ils se basent seulement sur ça et ils oublient, en fait, que celui qui fait un péché, il doit aussi pas juste avoir l'amour d'Allah, mais aussi, pas croire seulement que Allah est pardonneur, mais aussi qu'il punit ceux qui font les péchés et aussi qu'il est dur en châtiment. Et lorsqu'il se rappelle de ça, c'est là qu'il va avoir plus de remords et qu'il va vouloir se repentir et cesser de faire ce qu'il fait qui est mal. Mais s'il se souvient seulement du pardon d'Allah lorsqu'il fait les péchés, alors il va continuer toujours à vouloir continuer à faire ce péché-là. Ensuite, le chef il dit, on doit aussi l'adorer avec l'espoir. Et celui qui l'adore seulement avec l'espoir, il est sur la voie des Al-Murji'a. Al-Murji'a, c'est qui? C'est une secte, une des premières sectes qui sont apparues parmi les musulmans, qui ont déclaré que les actions qu'on fait n'entrent pas dans la définition de la foi. Ça veut dire que pour eux, pour ces gens-là, peu importe ce qu'un musulman peut faire, il reste toujours croyant et sa foi reste toujours au même niveau. Sa foi est égale à la foi des prophètes et des anges, même s'il fait tous les péchés du monde. Une fois qu'il a dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », il peut même adorer les idoles, il va rester musulman quand même. Il peut plus sortir, c'est comme... Il a comme une maladie héréditaire. Et c'est ça, beaucoup de musulmans croient que l'islam c'est une maladie héréditaire qui va hériter de leurs parents. C'est-à-dire, quand ils ne croient plus en l'islam, quand ils disent des paroles qui sont contraires à l'islam, et tu leur dis « Qu'est-ce que tu dis là, c'est faux ?» Ça te fait sortir de la réunion, il dit non, je suis musulman, je suis né musulman, je ne veux plus sortir. Allah. Donc, ceux qui sont dans cette voie-là sont sûrement dans les gamins parce que tu les vois, justement, c'est un peu semblable à ceux qui disent Allah est amour, mais c'est juste la différence et l'espoir. Mais ils se basent, si tu vois ceux vraiment qui ont l'espoir en Allah, c'est qui? C'est ceux qui obéissent à Allah. C'est pas ceux qui font les péchés. Parce qu'Allah, il dit, « Inna allazina amanu إن الذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا أولئك يرجون رحمة الله. C'est une ayat dans le Coran. Ceux qui ont cru et qui ont fait le djihad et qui ont émigré, qui ont quitté la terre où il y avait les kuffars pour arriver dans la terre où il y avait les musulmans, ceux-là sont ceux qui espèrent en la miséricorde d'Allah. Donc ça, c'est une preuve que c'est les croyants qui espèrent en la miséricorde d'Allah, pas ceux qui font les péchés. Ceux qui font les péchés, c'est plutôt, ils devraient plutôt penser que ce qu'ils font, c'est une sorte de tromperie que le shaitan leur fait. Ghurur, comme Allah l'appelle en arabe dans le Coran. Al-ghurur, c'est une sorte de fausse illusion ou de fausse idée que ces gens-là ont. Ils peuvent continuer à faire le péché et le shaitan leur dit tu as le temps, tu vas te repentir. Tu as toujours le temps. Après, il y a le chef, il dit, et ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec la crainte, comme une secte qu'on appelle Al-Khawarij. Et Al-Khawarij, c'est une secte qui est à l'opposé total du Murji'a. C'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Le Murji'a, eux, ils disaient que les actions ne font pas partie de la foi, mais ceux-là, ces gens-là, eux, c'est le contraire. Ils disent, la foi, c'est seulement les actions. Donc si tu laisses une chose de l'application de la religion, tu sors automatiquement de l'islam. Ta foi devient nulle. Et donc, ton pain est halal, tes biens sont halal, on a le droit de te tuer, on a le droit de prendre tes biens, on a le droit de faire ce qu'on veut avec toi. Et il y a encore des gens comme ça parmi les musulmans aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils seront là jusqu'au jugement dernier, et même quand le Dajjal va venir, ils vont combattre le Dajjal, ils vont combattre avec le Dajjal contre les musulmans. Le Dajjal, ils ont traduit son sang comme étant l'antéchrist, mais c'est celui qui va arriver à la fin des temps, c'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner des pouvoirs, et puis il va être une grande épreuve pour la Ummah, il va être une grande épreuve pour les musulmans, même que ce sera peut-être même la plus grande épreuve pour les musulmans. Il pourra faire arriver dans une terre et la rendre sèche, complètement désert, et arriver à un autre endroit et le faire devenir comme fertile. Ouais. Il pourra couper un homme en deux et le recoller, et il va revivre. Il pourra faire des miracles, et il va se déclarer même Dieu. Il va déclarer Dieu, il va demander aux gens de l'adorer, et beaucoup de gens vont l'adorer, parce qu'ils connaîtront pas le tawhid, justement. Il y a un signe pour le reconnaître, il a un seul œil, je dirais, il voit, il est borné, il a juste un œil, et puis il a les lettres kafara sur son front. Ça, c'est comme ça que les croyants pourront le lire. Il y a beaucoup d'autres choses sur Dajjal, mais je sais que c'est Isa ibn Maryam, c'est Jésus, lorsqu'il va revenir, qui va le tuer. Il va tuer Dajjal. Et puis, il y a peut-être d'autres choses, mais je ne me souviens pas en ce moment. Mais on va en reparler plus tard. Donc, à propos des Khawarij, ça, c'est des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant les chiens du feu de l'enfer. Kilab al-Nar. Et il a dit, ils vont rentrer dans la religion et ils sortent de la religion plus vite que la flèche sort de sa cible. Ils quittent la religion comme ils sont rentrés. Et il a dit à propos d'eux, ils disent les meilleures paroles, ils lisent le Coran et ils ne descendent pas plus bas que leur corps. C'est-à-dire qu'ils savent le Coran, ils lisent le Coran, mais ça ne descend pas dans leur cœur. Le premier parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait distribué les butins aux musulmans. Et il y en a un de, le premier de ceux-là, il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, i'dil, ô Muhammad, sois juste. En voulant dire, il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de pas avoir, de pas être juste dans la distribution du pain. Alors, un des sahaba qui était là, il a dit, laisse-moi, Ya Rasulullah, je vais lui couper la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le. Et puis, le gars, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui sera juste si moi je ne suis pas juste? Et il a dit, ah, de cet homme-là, il va sortir des gens, et il a décrit comme étant les Khawarij, et comment ils, qu'est-ce qu'ils allaient faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et c'est eux qui ont tué Ali ibn Abi Talib. C'était Abu Al-Lu'lu'i, j'ai oublié son nom. Mais c'est lui qui a tué Ali ibn Abi Talib alors qu'il marchait pour aller à la Salat al-Fajr. Il l'a poignardé. Et c'était aussi un de ceux-là qui a tué, je crois, je sais pas si c'est. Omar, oui, il a tué Omar ibn al-Khattab, mais c'était un autre qui a tué Ali ibn Abi Talib, c'était un Khariji. Et ceux qui ont tué aussi Akbar ibn Affan, c'était aussi des Khawarij. Une de leurs caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'ils prennent les armes contre les gouvernements ou contre les dirigeants des musulmans. Et ils croient que si un dirigeant musulman fait un péché, automatiquement c'est un devoir pour le tuer ou le combattre ou le mettre hors du pouvoir pour le remplacer par un des leurs. Bon, ça c'est juste. Il y a encore des groupes qui existent qui ont ces caractéristiques-là, même s'ils ne s'appellent pas, peut-être qu'ils ne s'appellent pas un Khawarij, mais il y en a parmi elles comme même qui, il y a certains groupes des Khawarij qui sont plus connus comme les sectes comme Al-Ibadiyya. L'Ibadiyya, ils existent encore en Oman, je crois, puis même en Algérie, il y en a, en Tunisie, puis en Libye, des descendants de cette secte. Et ceux qui sont en Algérie, on les appelle les Mozabites. Ouais, ils sont même allégeance avec ceux de Oman. Et puis, ils ne devaient pas la mettre. Non, ils n'ont pas une bonne croyance non plus. Ils nient les attributs d'Allah. Il y a beaucoup de choses là-dessus. On y reviendra plus tard parce que là, le sujet, ce n'est pas ça, mais on va y revenir, Inch'Allah. Donc, le chef, il dit pourquoi ces gens-là, ils sont tombés dans cet extrême. C'est parce que, étant donné qu'ils adorent Allah SWT uniquement par la crainte, aussitôt qu'ils font un petit péché, ils perdent totalement l'espoir en la miséricorde d'Allah et en son pardon. Alors, ils se disent, étant donné que j'ai fait un péché et que j'ai pas d'espoir d'être pardonné, alors je vais continuer dans le haram, dans le mal, et ils s'en vont comme ça jusqu'à ce qu'ils entrent tellement profondément dans le mal qu'ils se perdent. Donc, c'est les trois exemples, et c'est pour ça qu'il est important toujours d'avoir la balance entre ces trois piliers qu'on a parlé, qui est Al-Muhabba, Al-Raja, Al-Khawf. Ensuite, le Cheikh il dit Al-Ibada, c'est Al-Ghaya, Al-Mahbouba, Al-Lah, Al-Mourdiya, Al-Lah. وهي التي خلق الخلق من أجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نفس الشيء الذي l'adoration et العبادة c'est en fait le but pour lequel Allah سبحانه وتعالى nous a créé. Et il a mentionné le verset dans lequel Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et ça c'est dans Surat Az-Zariyat, verset 56. Et c'est avec, et c'est pour ce but-là, dans le but d'appeler les hommes à l'adoration, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Nous avons suscité dans toutes les nations un prophète ou un messager pour appeler les gens en leur disant, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Et on a expliqué le tarot, ce que ça signifie déjà. والعبادة لها أنواع كثيرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدقة الحديث وصدقة الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الحيوان والإيتام والمساكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة كل ذلك من العبادة كما وكذلك حب الله وحب رسوله وخشية الله والإنابة والإنابة إليه كل ذلك من العبادة كما وكذلك الذبح والنذر والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها وحده لا لله وحده لا شريك له فمن صرف شيئا منها لغير الله فمن دعا غير الله أو ذبح أو نذر لغير الله أو استعان أو استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر وأذنب الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة سواء صرف هذا النوع من العبادة لصنم أو لشجر أو لحجر أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء حي أو ميت كما يفعل اليوم عند الأضرحة المبنية على القبور فإن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيرهم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال تعالى فلا تزعوا مع الله أحدا وقال تعالى ولا تشركوا به شيئا نقل الشيخ الأبيض. L'adoration a beaucoup de catégories ou beaucoup de sortes. Il y a beaucoup de sortes d'adoration et il en a mentionné plusieurs, entre autres la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, de donner le monde, de remplir ses obligations, d'être bon envers les parents, de garder les liens de parenté, de remplir nos promesses, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de combattre les coupards et les hypocrites, de faire le bien envers les animaux, envers les orphelins, les pauvres, les gens qui errent, qui n'ont pas de maison, les esclaves, que ce soit des êtres humains ou bien les animaux, le dua, c'est-à-dire l'invocation, appeler Allah, le rappel d'Allah, la lecture du Coran, tout ça, ça fait partie de l'adoration. Et de la même chose pour l'amour d'Allah, aimer Allah, aimer son messager, craindre Allah, se repentir à Allah, tout ça fait partie de l'adoration. De même que le sacrifice, quand tu sacrifies quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Quand tu fais un vœu, ça c'est une adoration. Tu fais, tu recherches la protection d'Allah, tu recherches l'aide d'Allah, tu recherches, tu demandes le secours d'Allah. Tout ça c'est des formes d'adoration. Donc quiconque offre quoi que ce soit de ces adorations-là à autre que Allah, comme par exemple celui qui invoque autre que Allah, ou celui qui sacrifie ou qui fait un vœu pour autre que Allah, ou qui cherche l'aide d'autre que Allah, ou qui demande le secours d'autre que Allah, que ce soit une personne morte, qui demande le secours d'une personne qui est morte, ou qui demande le secours d'une personne qui est absente. Par exemple, pas une personne morte, quelqu'un demande « Ya Rasulallah, aide-moi ». Ça c'est shirk. Quelqu'un ne peut pas faire ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il ne peut pas, bien sûr, nous entendre ni nous aider. Ou qui demande à quelqu'un quelque chose qui est, à quelqu'un qui est absent. Et donc quelque chose à quelqu'un qui est absent, qui n'est pas à proximité pour nous entendre et qui ne peut pas nous répondre. Donc si quelqu'un, par exemple, a son père dans son pays, il dit « Mon père, donne-moi 10 dollars, aide-moi, ou viens-moi en secours contre mes ennemis. » Quelqu'un dans la rue veut te battre, tu appelles ton père, il est en Afrique. Il ne peut pas t'entendre, il ne peut pas t'aider. Hein? Donc, si tu appelles quelqu'un dans la rue pour t'aider, qui est à proximité, il peut t'entendre, il peut te venir en secours, ça c'est ta chef. Pourquoi? Parce que tu appelles quelqu'un qui est là et qui peut t'entendre et qui peut te venir en aide. Dans ce cas-là, c'est correct. Tu as le droit de faire ça. C'est pas demander l'aide d'autre que Allah dans quelque chose qu'il ne peut pas accomplir ou qu'il ne peut pas faire ou qu'il ne peut pas réaliser. Mais si tu demandes l'aide d'un quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est absent, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, il y en a parmi des gens qui se prétendent musulmans et même qui se prétendent même être des savants qui disent que ça c'est tout à fait, ils disent que ça c'est pas du tout shirk et même qui disent que pas seulement que c'est pas shirk, mais que c'est même obligatoire de faire ça, et que celui qui fait pas ça, et qui critique ça, il n'est pas musulman. Moi, j'ai jamais cru que des gens allaient aller à cet extrême, mais malheureusement c'est le cas, et puis on va en parler peut-être dans les cours qui suivent, Inch'Allah. On va même mentionner leurs paroles et leurs arguments, et comment les savants de l'islam les ont réfutés pour ces gens-là. C'est pour ça que là, on parle du tawhid, on explique le tawhid, et on trouve que c'est tout à fait clair pour nous, alhamdoulilah. Puis on ne pourrait pas imaginer comment les gens peuvent avoir un désaccord sur ce sujet-là. Toutefois, il y a des ennemis de ce tawhid dont on est en train d'expliquer aujourd'hui. Et il y en a des gens qui prennent tous leurs efforts et tout leur temps, toute leur énergie, et même qui dépensent de l'argent pour écrire et publier des livres pour combattre ce tawhid, et qui se disent musulmans, et qui disent la ilaha illallah, et qui font la prière comme les musulmans. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de comprendre, de bien connaître ce sujet, d'être capable d'éviter leur shubuhat, c'est-à-dire leur truc, leur piège qu'ils pourraient essayer de mettre pour nous faire tomber dans le shirk quand même, dans le tâche. Et donc, le shirk, il dit, celui qui appelle à autre qu'Allah comme un mort ou quelqu'un qui est absent ou tout ça, ou quelque chose comme ça, ou qui invoque autre qu'Allah, ou qui offre une forme d'adoration à autre qu'Allah de cette façon, alors il a commis le shirk majeur, c'est-à-dire un shirk qui le fait quitter la religion de l'islam. Et le shirk, il dit, il a commis le péché qu'Allah ne pardonnera jamais, sauf à celui qui se repent. Et le chef, il dit, et il est peu important, le chef dit, peu importe, est-ce que cette personne a offert cette forme d'adoration à une idole, ou à un arbre, ou à une pierre, ou à un prophète parmi les prophètes, ou à un saint parmi les saints, ou à un vivant, que ce soit un saint vivant ou mort, etc. Si il a fait ça, alors il a quitté l'islam. Et le chef a dit, comme beaucoup de gens aujourd'hui font lorsqu'ils vont au tombeau ou aux monuments qui sont construits par-dessus les tombes. Il dit, Allah SWT n'accepte pas le shirk. Et puis donc on va arrêter ici que le frère va faire l'adhan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ونقدم إن شاء الله لكم الشرك.